frères tombent et les mères pleurent. Maman, Seigneur, maman. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves. Ne t'invente pas d'ennemis. Tu ne vaux pas de même pas un et demi. Si un jour tu prends, tu en paies le prix. Tout ce qui t'entoure n'est qu'une supercherie. C'est trop tard quand les mots partent. Je découpe tout ça au sable de samouraï. C'est trop tard, tout est retard. J'irai claquer mon RSA à Dubaï. Je ne reconnais pas l'humain qui serre une main très sereinement et me regarde assez sûrement pour me demander si cette putain veut mon butin. La terre retourne sur la tête. Dieu est tombé sur la mauvaise planète. Tous ses descendants ne pensent qu'à faire la fête. J'ai dû manger du poisson sans arrêt. Voici la venue de la secte à deux pas de la Seine Saint-Denis. Que je l'aime et je l'aimerai encore. Dans mon âme et mon corps, ils peuvent manger leur mort et racheter tout mon or. Le soleil brûlant dans ma rétine. Le téton d'une femme ou une tétine. Creuser sa tombe ou espérer vivre. Péter un plomb sans essayer de lire ma main. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves. J'arrive en paix même en temps de guerre. Avec la tchourine dans la poche, ouais, au cas où. T'as beau crier, ils n'entendent guère. La mettre en sourdine que par la force. C'est bien l'erreur qui fait qu'on avance. La putain d'aider du monde refaite sur la France. Si je gagne ma gueule, c'est sûr que ce n'est pas la chance. Car je débarque sur les cartes cachées sous la manche. Y'a beaucoup d'échecs sans une réussite. La main du maître te pousse vers le vide. L'élève qui aurait pu faire la diff demande au diable de lui faire la bise. Un trop plein d'amour dans la violence. C'est pour ça que l'homme l'aime et savoure son insolence. C'est la guerre dans l'inconscience sur ma mère. C'est affolant, c'est la mer. Dis-moi comment faire avant qu'on m'enferme. Attendre l'inverse, ici, bas, c'est le monde à l'envers. Décide-toi avant qu'on t'enterre, rencontre l'enfer. Oui, tu as été bien trop ambitieux. Mon ami, regarde-moi dans les yeux. Tu m'as trahi, ça se voit dans les deux. 12 meuches dans la boîte, 12 pluies sur mon cas, ouais. Courte vie, je suis étourdi. Grosse plif comme un hamster. Pour les homies dans la boîte. Longue glisse, ça va trop vite. Jeune immortel, mais le all-in dans le cortège, pire va fleurir. Jeune pauvre, le merco avant ses vieux os. Coup de flamme sur le nœud chaud. Pluie de larmes, c'est la mousson, c'est le Vietnam. Le bourreau arrive en pécan. Y'a du boulot chez le chétan. Si Dieu le veut, il crève un pneu ou une goutte d'oreille de métal. Cherche du taf à 30 piges comme un ancien grossiste. À vouloir de l'oseille, on s'appauvrit. Paye la note et pourliche. On court avec la mauvaise cote. On creuse avec la mauvaise pioche. La dernière bise, c'est un garde Austerlitz. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves. Les frères tombent et les mères pleurent. Les guerres grondent et les pères meurent. Les terres sombres et les ciels pleuvent. Les pierres fondent dans les mêmes fleuves.